Section 4, chapitre 4. Pendant ce long entretien, les chevaux avaient continué de détaler grand train sur la route. Ils avaient traversé Saint-Armel, Le Hézeau et Saint-Colombier. Ils avaient quitté la grande route pour prendre un chemin de traverse qui, coupant la presqu'île de Ruiz, les avait amenés en vue de la pleine mer. Pour l'étranger qui n'est jamais venu sur ce littoral, cette presqu'île est un objet de surprise, ou tout au moins de curiosité. En effet, après avoir quitté les landes de la Bretagne, à peine couvertes d'une maigre végétation, on se trouve tout à coup au milieu de champs de vignes, bordés de figuiers, avec çà et là s'élevant au-dessus des toits des pins parasols, des chênes verts et des lauriers. De telle sorte que si à l'avance on ne connaît pas la douceur du climat de ce coin de terre, on peut croire que pendant un moment de sommeil, on a été transporté miraculeusement au bord de la Méditerranée. De l'éminence sur laquelle le char à banc était arrivé, on découvrait dans un vallon et à une petite distance de la mer une maison entourée d'arbres et d'arbustes au feuillage vert. C'était la crique. « J'avais espéré terminer pendant la route, dit monsieur de la Hérodière, tout ce qui a rapport à Georges. Mais nous avons marché vite et je me suis perdu dans des réflexions qui m'ont écarté de mon sujet. Nous voici arrivés et l'essentiel n'est pas dit. Nous reprendrons cet entretien après déjeuner en nous promenant au bord de la mer, car je ne veux pas d'oreilles curieuses autour de nous. » Comme il disait ces derniers mots, ils arrivaient à la barrière du jardin. Cette barrière était grande ouverte et la voiture s'engageait dans une allée ombragée de chaque côté par une sorte de bambou qui, dans l'intérieur de la France, n'est guère qu'une herbe chétive et qui, sous ce climat doux et humide, avait projeté des gerbes de verdure qui s'élevaient à 8 ou 10 mètres de haut, garnies de la base au sommet d'un léger feuillage retombant en cascade. « À Paris, dit monsieur de la Hérodière, les Arundinaria falcata sont en ce moment sous un lit de feuilles sèches, empaillées et ficelées. » Après les Arundinaria venait une petite avenue formée de palmiers de la Chine qui déployaient dans l'air leurs belles feuilles en éventail. « Pour mes palmiers, continua le vieillard qui, en se retrouvant chez lui, paraissait éprouver une joie d'enfant, on m'a traité de Gascon quand j'ai raconté que je les cultivais en pleine avenue, ni plus ni moins que si j'habitais l'Algérie. Et encore en Algérie, aurait-il cette fraîcheur et cette verdure? Ah, cela fait plaisir de se sentir au milieu de ce qu'on aime. Pendant que tu feras servir le déjeuner, je vais aller faire un petit tour dans le jardin. Mais tu dois mourir de faim? Je te demande quelques minutes seulement. Fais servir. Je reviens. Le temps de voir si le Cordyline indivisa n'a pas souffert. Ils ont parié au jardin des plantes que je le trouverais mort. Et moi j'ai parié que je le retrouverais assez bien portant pour en obtenir des exemplaires que je leur enverrais et qui remplaceraient ceux qui ne peuvent pas faire vivre dans leur serre. Et sans écouter les observations et les prières de sa fille, il descendit vivement de voiture et se dirigea à grands pas vers la partie du jardin où se trouvait ce fameux pied de Cordyline. Sa taille voûtée s'était redressée, il semblait rajeuni et réconforté. C'était la clémence du climat de ces côtes qui avait décidé monsieur de la Hérodière à quitter Orléans pour venir habiter la Bretagne. Amené un jour par les hasards d'une excursion botanique dans la presqu'île de Ruiz, il avait été surpris de trouver là des arbres et des plantes qui ne poussent ordinairement que dans les pays compris par les savants, dans la zone tempérée chaude, c'est-à-dire l'Espagne, le Roussillon, l'Italie, la Grèce, les îles de la Méditerranée. En sa qualité de savant, il avait lu dans beaucoup de livres que certains végétaux qui, pendant les hivers rigoureux, périssent en Provence et dans tout le midi de la France, vivent parfaitement sur les côtes de Bretagne, réchauffés par le grand courant marin qui, sous le nom de Gulf Stream, leur arrive du golfe du Mexique, mais ils n'avaient pas vu le développement que ces végétaux peuvent atteindre. Aussi, lorsque dans les jardins de la côte de Ruiz, et même en plein champ, il trouva des figuiers aussi grands et aussi vigoureux que les plus beaux pommiers de la Normandie, des lauriers roses, vieux de plusieurs siècles, des camélias, des grenadiers, des aloès, surtout lorsque dans les ruines du château de Sucigno, au milieu d'un amas de pierres, il découvrit une petite plante à laquelle les savants ont donné le joli nom d'Helichrysum oriental et que le vulgaire appelle tout simplement l'immortel jaune, il fut émerveillé. Sans doute cette petite plante, couverte d'un duvet blanc cotonneux, n'avait pas en elle de quoi provoquer l'attention du passant. Mais monsieur de la Hérodière était un savant, et cette petite immortelle à fleurs jaunes lui parlait une langue que le passant vulgaire n'entend pas. En deux mots, elle lui disait que la flore de l'Orient pouvait se développer sur ses côtes, sinon, pour tous ces végétaux, au moins pour une partie. C'était une expérience à tenter et une expérience s'appuyant sur un point de départ qui était un fait. Or, depuis qu'il habitait Orléans, il avait entrepris, dans son jardin du boulevard Saint-Jean, une série d'expériences d'un autre genre qui, par leurs insuccès répétés, l'avaient à la longue exaspéré. Passant une grande partie de sa vie dans son jardin, il avait voulu que ce jardin, hiver comme été, fût toujours vert, et pour cela, il ne l'avait planté que d'arbres et d'arbustes à feuillage persistant. Mais le climat d'Orléans, comme celui de Paris et de tout le centre de la France, est peu favorable à ce genre de végétaux. Pendant quelques années, ils poussent à merveille, puis survient un hiver rigoureux, ils gèlent jusqu'aux racines. C'était ce qui s'était produit pour le jardin de M. de la Hérodière. Après 3 années de plantation, tous ces arbres et ces arbustes avaient gelé, et il avait fallu les arracher. Il ne s'était point découragé, et il en avait planté d'autres, les choisissant parmi les plus rustiques. Un hiver plus rigoureux les avait tués encore. Il avait persévéré, restreignant son choix aux espèces les plus résistantes. 15 degrés de froid en avaient eu raison. De telle sorte qu'après une série d'épreuves plus malheureuses les unes que les autres, il ne lui était resté pour toute ressource que 3 ou 4 espèces indigènes, les ifs, les houx, les buis. Quelle chute ! 3 arbustes sous les yeux quand on en avait des milliers dans l'esprit ! Assurément, si Sarzeau ou Saint-Gildas de Ruys eussent eu une direction de l'enregistrement et des domaines, M. de la Hérodière, qui n'avait jamais rien demandé au ministre, se fût fait solliciter pour obtenir son changement. Ce moyen lui manquant, il se rejeta sur une autre combinaison. Il achetait un terrain sur le bord de la mer, à un endroit quelconque de la presqu'île, il y plantait les arbres et les arbustes dont depuis longtemps il portait la liste dans sa tête. Enfin, il y faisait construire une cabane et tous les ans, il y venait passer quelques semaines, en famille, pour surveiller les progrès de ses plantations. Plus tard, au moment de sa retraite, on agrandissait la cabane, qu'on transformait en maison, et il se retirait là avec sa femme pour y finir leurs jours. Bien que savant, M. de la Hérodière était homme d'imagination. À peine cette idée eut-elle traversé son esprit qu'il se mit à courir après elle. Il calcula le nombre d'hectares de terre qu'il lui fallait pour ses plantations, décida leur exposition et l'espacement qu'il leur donnerait, dessina le plan de sa cabane et de la maison qui plus tard la remplacerait, traça les courbes idéales de ses pelouses, creusa leur vallonnement, puis cela fait, et après s'être enquis auprès des notaires de Sarzeau du prix qu'il faudrait payer les terrains, il retourna à Orléans pour communiquer son projet à sa femme. Malheureusement, Madame de la Hérodière n'avait aucune passion pour la botanique, et l'idée d'avoir devant ses fenêtres une flore plus ou moins tropicale n'était pas pour l'entraîner. Au premier mot de son mari, elle haussa les épaules et le pria de ne pas lui fatiguer les oreilles avec de pareilles niaiseries. Mais sans se décourager, celui-ci insista et développa son plan. De la porte d'entrée à la maison, une avenue formée avec des camaréops excelsa, en 15 ans, ils atteindraient 5 ou 6 mètres d'élévation. Rien ne serait plus beau que de passer sous leur fronde en éventail et de voir leurs tiges revêtues du haut en bas d'une épaisse fourrure. Sur la pelouse, un groupe d'Araucaria imbricata et ça et là des exemplaires isolés de conifères exotiques. Dans des rochers, des agaves et des aloès, pas de gelées à craindre en hiver et en été, assez de chaleur pour mûrir le raisin. Pendant 1 quart d'heure, il s'était laissé emporter par l'enthousiasme. Il eût sans doute continué longtemps, car l'énumération des plantes qu'il voyait était longue, si sa femme ne l'avait brusquement interrompu pour lui demander s'il était fou. Se retirer en Bretagne, pourquoi pas en Chine ou en Australie? Pendant 20 années, elle lui avait demandé chaque jour de faire des démarches pour obtenir une position à Paris. Il n'avait jamais voulu y consentir. À elle maintenant de s'enfermer dans un refus catégorique. Elle n'irait jamais en Bretagne, et quand l'heure de la mise à la retraite aurait sonné pour eux à Orléans, elle irait à Paris. Madame de la Hérodière était une femme à laquelle on ne répliquait pas. Son mari le savait depuis longtemps. Il renonça à ce projet, comme il avait déjà renoncé à tant d'autres. Il dut se contenter de dessiner sur le papier ses plans de jardin et de voir en rêve ses araucarias et ses caméraops. Il irait à Paris, puisque sa femme voulait aller à Paris. Il faut toujours faire le possible pour ce qu'on aime. Ses plans étaient serrés depuis longtemps déjà au fond d'un tiroir, et M. de la Hérodière n'apercevait plus les frondes de ses caméréops que dans les rêveries du souvenir, lorsqu'un jour il fut tout surpris d'entendre sa femme revenir à son projet et parler comme d'une idée réalisable d'acheter un terrain en Bretagne pour y construire une petite maison. Que s'était-il donc passé ? Une chose bien simple. Madame de la Hérodière, qui allait tous les ans faire une saison au bord de la mer avec sa fille, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, s'était lassée des hôtels du Croisic et de Trouville. Elle avait trouvé qu'il était plus respectable d'avoir sa maison à soi. Enfin, elle avait réfléchi qu'à l'époque où M. de la Hérodière atteindrait sa retraite, il ne serait plus jeune et il ne serait guère agréable d'habiter le quartier du Jardin des Plantes avec un vieux bonhomme de savant qui voudrait se coucher à 10 heures. Tandis que si ce savant habitait la Bretagne, elle pourrait venir chaque année passer la saison d'hiver avec sa fille et son gendre dans un monde où l'on trouverait des distractions. C'était ainsi que dans un petit vallon de la presqu'île de Ruiz, M. de la Hérodière avait acheté 3 ou 4 hectares de terrain dans lesquels il avait créé un jardin qui, par le nombre et la beauté de ses arbres et de ses plantes exotiques, était une véritable merveille. Mais il n'avait pu réaliser les espérances de toute sa vie. Madame de la Hérodière n'avait pas eu le bonheur de réaliser les siennes. Quelques mois avant que son mari obtînt sa mise à la retraite, elle avait succombé à une maladie aiguë. Et c'était seule avec sa fille, qui atteignait alors sa 17e année, que M. de la Hérodière était venu s'établir à la crique pour l'habiter définitivement. Fin de la section 4.